La jeune vampire, roman de Joseph-Henri Rosny aîné, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org.